Salut, salut, salut! Comme tous les dimanches sur Radioactive 100FM à Toulon, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées. On a un nouveau générique aujourd'hui, un instrumental. On va avoir une émission avec plein de séquences différentes, mais je vous le dirai au fur et à mesure. On attaque directement avec American Hi-Fi et leur grand tube des années 90, Flavor of the Week. So what is your philosophy on life? It sucks. Heavy metal rules. Heavy metal rules. All that punk sucks. It doesn't belong in this world. It belongs on Mars, man. Seriously. Heavy metal. Heavy metal definitely rules. Ozzy, Priest, Scorpions, American Hi-Fi, Dokken. It all rules. We'll be right back. Now if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. No Means No, à l'instant, sur le 100 FM radioactive. Maintenant, nouvelle séquence, comme la semaine dernière, sur l'histoire des Slits, ce magnifique groupe de jeunes filles de la fin des années 70. On va voir quelques extraits du livre sorti chez Retruite Edition et entrecoupé de morceaux. Allez, go! La première vague punk nihiliste a un effet primitif de grande envergure, modifiant la pensée et poussant les gens à se réveiller, sans compter tous les nouveaux groupes redoutables qu'elle draine dans son sillage, qui se joignent à la révolution en annihilant tout ce qui a déjà été fait avec simplement trois accords. Considérant le fait de partir de rien, c'était l'an 1. In the beginning there was rhythm. Vive Albertine. Je n'avais encore jamais joué d'un instrument, mais je m'en foutais, rien n'avait d'importance. Et soudainement, il y a eu cette petite brèche, une porte ouverte pour une période très courte, et vous ne pouviez que vous y engouffrer. Il s'agissait d'avoir le culot de dire « je vais sortir m'acheter une putain de guitare électrique ». Quand ma grand-mère est morte, elle m'a laissé environ 150 livres, avec quoi je me suis payé une Les Paul Junior. Take it serious. Oh, Tony, you gotta take any more now. You're getting weak. Oh. Vive à la chance d'avoir deux professeurs de guitare doués sous la main. Mick Jones, son petit ami de l'époque, et son meilleur pote à long terme, Keith Levine, un musicien d'une maturité précoce et fan du guitariste de Yes, Terry Howe. En dépit de l'idée préconçue que le punk était voué à détruire les groupes de rock progressifs. Depuis, Levine a été salué comme étant une des lumières les plus brillantes à émerger de la scène post-punk et son jeu de guitare sera beaucoup imité, influençant The Edge, le guitariste de U2 notamment. Levine a toujours été bienveillant envers les musiciens ayant imité son style, arguant avec beaucoup du fait que ça signifiait simplement qu'ils avaient très bon goût. C'est un menteur particulier pour Vive et son style à elle, bien que très personnel, porte la marque du son ébréché et du jeu saccadé de Levine. D'autre part, Vive joue un rôle clé en introduisant Kiss dans la première vague punk qui crépite dans la vie des quartiers difficiles et multiculturels de Ladbroke, West London. C'est Vive qui m'a fait connaître les Pistols quand ils étaient encore plus un mythe qu'un vrai groupe, se rappelle Kiss. J'ai ensuite traîné avec elle et Mick Jones. Nous vivions tous à West London quand a émergé la scène punk et les Slits faisaient partie du lot. Viv m'a dit qu'elle voulait jouer de la guitare et ça coulait de source que c'était à moi de lui montrer par où commencer. Elle a fini par être mon élève et elle était vraiment douée. Avant tout, je lui ai montré comment il ne fallait pas jouer. Thank you. Biff Albertine, Keith était le meilleur guitariste qui soit. C'est un musicien très sensible, large d'esprit, créatif. J'étais chanceuse, on se voyait durant cette période sombre où je savais à peine jouer. Levin est un membre fondateur des Clash et il rejoindra plus tard John Lydon et Jah Wobble dans Public Image Limited. Mais au dire de tous, il y avait un élément de tension entre lui et Mick Jones. Mick est une âme sensible, un peu égocentrique. Joe Strummer a été cité pour avoir dit qu'un mauvais jour, Mick pouvait égaler Elizabeth Taylor quand elle était d'humeur massacrante et il n'apprécie pas que Keith enseigne la guitare à Biff. En fait, il n'apprécie pas Keith quoi qu'il fasse, apparemment, et particulièrement quand il découvre avec horreur que Levin a 3 ans de moins que lui. Après ça, il se comportait comme un vrai con avec moi, grommel Keith, dans le livre de Pat Gilbert sur les Clash, Passion is a Fashion. Avec lui, rien de ce que je pouvais faire n'allait bien. Par la suite, Levin est évincé des Clash, alors que Viv et Mick ont souvent des disputes dans leur relation. Oh. Le réalisateur et DJ Don Letts se souvient. Ils étaient toujours en train de se quereller. C'était une relation passionnelle et fougueuse. Il faut dire que Viv et Mick avaient tous deux du caractère. Ils trouvaient toujours un truc pour emmerder le monde. Même si je pense que les personnes gentilles ne sont pas toujours celles qui proposent les meilleures idées. Say you stand by your man. Never. Tell me something I don't understand. You said you love me, and that's a fact. Oh, and then you left me, said that you felt trapped. Never. Well, some things you can't explain Never. Away. But don't exit me till this day. Never. You see, so stand by me. No way. All the times when we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you now. So alone I keep the wolves at bay. Explain why this must be. Did you lie when you spoke to me? Said you stand by me, oh my lord. Now I got a job, but it don't pay. I need new clothes, I need somewhere to stay. But without all of these things I can't do, without your love I won't make it through. But you don't understand my point of view. I suppose there's nothing I can do. You stand by me, yeah, but not at all. You stand by me, no way. Stand by me. Comme un avant-goût de ce qui va vous attendre dans les minutes qui suivent, on avait Mick Jones, le guitariste des Clash, qui chantait Train in Vain, un des morceaux les plus connus effectivement des Clash, mais là en version acoustique enregistrée il y a quelques années dans une librairie de Londres. Et donc acoustique, c'est bien le maître mot sur le 100 FM Lost in Space pour les minutes qui viennent. On va avoir plein de choses. On commence avec un des maîtres du genre, Johnny Cash et You Are My Sunshine. Pardon. Thank you. night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Yeah.

C'est sur les Lemonheads, groupe à cheval entre la vague punk américaine et la vague plus acoustique americana, que s'achève cette petite session acoustique. Le morceau, c'était Rudderless. Et justement, maintenant, on va aller de l'autre côté de cette vague, la vague plus punk rock. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive. Petite session punk rock à l'instant et maintenant session nostalgie, retour vers le futur. Voici l'émission à quoi elle aurait ressemblé si elle avait été diffusée en 1981, c'est-à-dire que on ne va passer là pendant les minutes qui suivent que des morceaux de l'époque. Comme d'habitude, si vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur l'émission, les titres des morceaux, références, ainsi de suite, allez sur le site, vous y retrouverez toutes les informations voulues. Et on attaque donc avec Bad Religion et Drastic Actions. Seldom told to see this reaper.

shame, the ball game drunk, and I don't care what you say, cause I believe in anarchy.

sinä hennolla käsialla luki, mä rakastan sua. Mä ympärilleen katsoin näin, salin tyhjennet. Mä mietin, kuka hän voisi olla. Hei, hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Mä kirjan jotain tytöltä sain, hän kävi keikoillamme aine. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Kuka kova punkkariin vois rakastua? Taas saapui lauantai ja oli keikka tietenkin. Mä hänet näin kun kamoja lavalle kannoin. Hän salin perällä seisoi valea unelmain. Hän helotti kättään ja sitten juoksi pois. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Hän kävi keikoillamme ai. Mä hänen kanssa vietin lauantait. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Kuka kovaan punkkariin vois rakastua? Kanssaan juttelin, hän katsoi kirkkain teinit tytön silmin. Hän nauroi kun kerroin nähneeni jätkät ratsiaan. Hän pysyi mua laulamaan kuka myi kapinaan. He hei hei hei, kuka rakastaa mua? Hän kävi keikoillamme ain. Mä hänen kanssa vietin lauantait. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Kuka kovaan punkkariin vois rakastua? Taas saapui lauantai, vaan hän ei keikalle tullutkaan. Turhaan etsi häntä sijasta jengin. Hänen kaverinsa antoi lapun, jossa sanottiin, älä muista pahalla, mut mä en rakasta sua. Hei, hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Hän kävi keikoillamme ai, mä hänen kanssa vietin lauantait. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Kuka kovaan punkkariin vois rakastua? Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Hän kävi keikoillamme ai, mä hänen kanssa vietin lauantait. Hei, hei, hei, kuka rakastaa mua? Kuka kovaan punkkariin vois rakastua? They tell you not to worry, they say they're terribly sorry. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space, à l'instant Stiff Little Fingers avec Silver Lining. Et on va continuer avec une sélection tirée de grands, on va dire, singles qui seront marquants des années 80. Et le premier, c'est The Church avec Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might I know what. must you see there's a waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food. But I'm for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told the truth, and I'm not a great guy. Turbot sounds of catalog, the black and jute, the scarlet frog, the walls of air, black bottom kind, the other sick breath at my hand, the other sick breath at my hand, the other sick breath at my hand, the other sick breath at my hand. I hear stories from the chamber, Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross, and might I say, it seems so fitting in his way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. And tattooed evil across his brother's fist. That filthy fire, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stone, the throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and my body is on fire, and God has never far away. Into the mercy seat I climb, my head is, my head is wide, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never mind. Killing is called evil, where's a wedding band that's good? Tis a long-suffering shotgun, coloring all that devil blood. And the mercy seat is a burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to lose. But I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and in a way there was no proof. And nor a moment why mercy seems waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. A lie for a life and a truth for a truth, and anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And mercy seems waiting, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks and disbelief. An eye for an eye and a tooth for a tooth, but anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I'm told the truth, and I'm not afraid to die. Can't believe in you. don't believe in. It's all